Salut Athos. Comment va les schizos? Ah bien, mais tout à l'heure fatigué. C'est Schizopod numéro Oh, 10! 10 Yay! statistiques! Félicitations tout le Merci, monde! on fête ça, 10e Ben anniversaire. oui, on va faire un podcast pour fêter ça. Ah, c'est bon. Avec au micro, moi, Christian Jodoin. Lui, Marc Jodoin. Puis l'autre, Marc Latrémouille. Salut. Hey. Vous êtes encore dans l'antre du n'importe quoi, où on y trouve de tout, même un cheval du nom de Tornado, car nous sommes en direct de la Californie mexicaine à la recherche de Zorro. La Baja California. Marc Latrémouille, pourquoi sommes-nous à la recherche de Zorro? Parce que Zorro, il paraît qu'il combat l'injustice. Ça, toi pour toi, ça a l'air d'être ton héros, hein, n'est-ce pas? Zorro, mais Oui. moi, quand j'étais jeune, je trouvais qu'il allait jamais au bout de ce qu'il pouvait accomplir. Tu sais, on était comme quand j'étais jeune, dans l'ère des super-héros. On est beaucoup plus aujourd'hui, mais je lisais beaucoup de comics quand j'étais jeune. Puis, il manquait toujours quelque chose. Tu sais, combattre avec une épée ou d'autre. T'as juste à faire un Indiana Jones, ça arrive avec un gun, bang, tu tires dessus. Le cas est C'est réglé vrai, c'est sur vrai. Zorro. Il réglait toujours ça de même, puis ses ennemis réglaient toujours ça avec l'épée aussi également, puis il se faisait faire un Z sur eux. Mais bref, tout ça pour dire que on le recherche, on a de la misère à le trouver. Tout ce qu'on voit, ce sont des fatsos Zorro, des oldos Zorro, des vieux. Des Ah, vieux. ouais, qui se dit. Oldo. Des genoux Zorro. Mais on trouve pas le vrai Zorro. Où es-tu, Zorro? On va se donner une autre semaine hein, pour le Zorro, trouver. Zorro. Zorro aurait été la création, en fait, de peut-être trois influences. Il est né en 1919 par un homme qui vient d'Ottawa, qui s'appelait Johnston McCree. Ottawa. Ottawa. Ouais, Ottawa, mais je sais pas s'il y a un Ottawa aux États-Unis, mais Ottawa. Zorro, ça veut dire renard. Puis le personnage de Zorro, en fait, est incarné par Don Diego de la Vega, qui est un petit bonhomme qui déteste la politique et déteste la violence. Je pensais que Un petit c'était gringalet. Antonio Antonio Banderas. Banderas. Non! Don Diego de la Vega, c'est lui, Zorro. Sauf Ah. que c'est un personnage qui est insipide, mais qui, la nuit, se transforme en héros. Sauf que ça, c'est le personnage de Walt Disney, parce que Walt Disney a repris Zorro dans les années 30, je crois. T'as vraiment dit Puis zéro. donc, Zorro, zéro. Ils l'ont complètement transformé. Mais là, on parlait d'injustice tout à l'heure, que Zorro combattait l'injustice. Je veux juste faire une petite bémol. Il combat l'injustice, mais essentiellement, et surtout venant des soldats et de l'infanterie espagnole, parce que pour ce qui est des nobles, des riches, des bourgeois, et ça, Zorro, il les défend aussi. Ah. Il défend pas juste la veuve et l'orphelin, il défend aussi les riches propriétaires terriens C'est un qui sont vendu. Ben oui. anti-espagnols. Ben, c'est une représentation révolutionnaire d'une région qui essaie de chercher son indépendance face à l'Empire espagnol, puisque là, on parle de la Californie de la fin du 19e siècle. Donc, c'est ça, zéro, c'est vraiment le Zéro. symbole. Zéro. Zéro, esti, c'est Zéro, le le super symbole, zéro. c'est le symbole de beaucoup plus de la liberté et de l'indépendance que le combat de la justice, oui, mais plus les deux premiers. Moi, Zorro, pour moi, c'est plus Catherine Zeta-Jones. Oh. Parce que c'est dans le film avec, justement, on en parlait, Antonio Banderas. Le Zorro avec Antonio Banderas, où est-ce que j'ai vu pour une des premières fois C'est ça. Catherine Zeta-Jones, puis tabarnou, j'ai eu un kick sur elle. J'ai tout le temps eu un problème avec certaines filles, t'sais, des actrices, là, puis elle m'a quand même assez tourmenté. Donc, elle a fait partie d'une liste d'actrices qui ont comblé mes nuits, dont Sophie Marceau trône au-dessus de la liste. Sophie Marceau, elle a longtemps été Zeta-Jones, c'est pas la blonde ou l'ex de Michael Douglas qui a pogné Oui, le cancer de la gorge en à cause qu'il a l'abondant. trop mangé, ouais, c'est ça? Ouais, c'est ce que C'est j'avais entendu, weird. là, c'est Cancer de bizarre. la gorge en faisant des cunilingus. Ouais, c'est une rumeur assez Mais elle a pas bizarre, été ça. internée pour maladie mentale. Oui, je pense que oui, c'est vrai. Ça l'a affecté son jeu parce que dans les derniers films que je l'ai vu, là, oh boy, elle était pas fameuse. Non, mais c'est ça, en parlant des filles, ça me fait penser justement parce que moi puis Hugo, nos amis, Hugo! justement, quand on était jeunes, vierges, puis encore un peu très, très, très timides, Innocent. on fantasmait beaucoup sur les filles. Fait que, Innocent! bref, je voulais juste remercier Hugo pour les logos. Les logos de Schizopod, c'est lui qui nous a fait ça. Hugo! Bravo, Hugo. Je trouve Avez-vous cool. Rogue One! Rogue One! Avez-vous d'autres choses à dire sur Zorro? Qu'il y a aussi un cheval qui s'appelait Phantom. Il n'y a pas juste le cheval noir Tornado, il y avait aussi le cheval Phantom. Ok, Puis que qu'est-ce son qui s'est passé servi. avec lui? Ben, il y a deux chevals, mais probablement que le fantôme, là, tu sais, l'espèce de personnage avec une bague, là, mis en mauve, là, oui, on a fait. Fantôme. Probablement qu'il est inspiré énormément de Zorro, parce que Zorro a influencé beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages par la suite, parce que c'est comme un archétype, hein, Zorro. Moi, j'ai un personnage masqué avec une épée, justicier. Moi, j'ai quelque chose que j'ai jamais compris dans les super-héros. C'est comme Superman. Il y a juste un métier lunette qui est comme, tu sais, personne ne le reconnaît. Il enlève ses lunettes. C'est une convention. C'est une convention. C'est la même chose pour Zorro. Il met son petit masque. Ah, on le reconnaît pas. Il a encore sa même moustache. Il a le même physique, tu sais. Il se déplace pareil. Non, on le reconnaît pas. Là, il enlève tout ça. Ironiquement, dans l'histoire originale de Zorro, écrit par le mec que j'ai dit tout à l'heure en 1919, dans la première histoire, le premier récit, le premier pulp, qui apparaît dedans, à la fin, on connaît son identité. Ah, c'est par la suite que... C'est tout de suite après que l'identité est devenue secrète. Mais dans la première histoire, le mec, on connaît, c'est quoi Iron Man? C'est Stark? Non, ouais. Les entreprises Stark? Ouais. Lui, on le sait tout de suite, c'est qui. C'est pas Bruce Wayne, c'est-tu? Non, ça, c'est Batman. Mais c'est quoi son prénom? Donc Stark, c'est... Richard? Non, je sais pas. Ah, merde. Stark. John? Non, Richard? André? Ouais. Robert? John? André? Mauritius. Ouais, cherchons ça. Moi, je veux juste dire, moi, ce qui m'a donné l'inspiration pour notre enregistrement d'aujourd'hui, à part à combattre l'injustice, c'est le livre Les animaux les plus célèbres de Christian Vignol. Bon, on parlait de Tornado, le cheval de Zorro. Mais on parle d'aussi plusieurs animaux célèbres, leur genèse, on parle de leur succès, il y a des anecdotes, évidemment. Bon, on va parler notamment des différents lions de MGM, Rin-Tin-Tin, Lassie, un instant, c'est Tony Stark. Oh, Tony! Hey, petite anecdote. Tony Van Moo. Stan Lee, un des créateurs de plusieurs super-héros. Il est pas mort. C'est pas vrai? Non, c'est un fake, il est pas mort. Oh, mauvaise information. Désolé. Il est encore vivant. 92 ans, encore vivant, c'est-tu. Fait que dans le livre, quand même, très le fun, parce que ça me permet de retourner dans mon enfance, parce qu'on parle, c'est ça, ben, de Lassie, c'est trop vieux pour moi, mais Marc Latremoille, Lassie, tu dois connaître ça, toi? Eh, mon Dieu, avec Flipper et Kangourou, mais... Rin-Tin-Tin, toi, c'était-tu dans ton temps? Non, ça, c'était... Skippy, le Kangourou! Oui, Flipper, évidemment, on en parle, Skippy. On parle aussi du mystère entourant la mort de Cheetah, le singe de Tarzan, parce qu'il y a plusieurs personnes qui disaient, hey, c'est moi qui l'avais à la fin, non, c'est moi, et fait qu'on sait pas c'est quel singe qui est mort quand... etc. Il y a Benji. On parle aussi de l'histoire de Willy, les polars, ouais! qui joue son propre rôle. C'est pathétique parce que dans le film, c'est sa propre histoire, Free Willy. Dans le film, il a été libéré avant que lui-même soit libéré. En tout cas. Donc le film, finalement, il a été libéré, il est mort pas longtemps après, mais en tout cas. Là, j'avais une question pour vous autres, parce que si on parle de bande dessinée, les animaux célèbres en bande dessinée. Fait que je vais vous donner deux noms, puis vous allez me dire c'est qui votre préféré. Il y a des jeux. En Bugs Bunny ou Daffy Duck, c'est qui votre préféré? Daffy Duck. Je sais pas, les deux je les aime bien. Okay. Mickey Mouse ou Donald Duck? Donald Duck. Ouais. Mickey Mouse, je trouve plate. Il est fifloun, là. Une voix insupportable. Tom ou Jerry? Attends, c'est qui le chat? Tom, c'est le. C'est le chat. Pis Jerry, moi, c'est... Moi, j'avais tendance à dire Tom, même si Jerry, je l'aimais aussi. Ouais, Tom aussi, Tom. Jerry, en passant, il a été appelé de même, on sait pas pourquoi. Il a été appelé de même, mais c'est le nom des Allemands. On les appelait les Jerrys, là, ou je sais pas trop quoi. Ah. Pis Tom, c'était un nom qu'on donnait aux soldats américains. D'où le Jerry Can, qui est l'espèce de canne que les Américains ont repris par la suite pour transporter du gaz. Ça vient des Allemands, pis après ça, toute la planète entière, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a pris l'idée pour que tout le monde ait leur Jerry Can. D'où le Jerry. Les cannes allemandes. Et maintenant, Itchy and Scratchy. Non, t'as gros minet ou Titty Bird ou Tweety Bird? Gros minet, c'est-tu? Ouais. Non, mais c'est ça. Gros minet aussi, ouais. Moi, j'ai réalisé que toutes les underdogs, là, les mal-aimés, c'était mes préférés. Ben, Daffy Duck, Donald Duck, le chat, Tom. Le Coyote ou le Rogue Runner. Gros minet, le Coyote. Il est plus fun, c'est drôle. Plus fun, puis on dirait que je sais pas, comme Daffy Duck, Donald Duck, les mal-aimés, entre guillemets, là, ils sont vraiment bien aimés, mais quand on les voit... C'est eux qui sont le plus maganés, ils ont un caractère de chien, on dirait qu'ils ont été maltraités dans leur genre. Mais il y a un dessinateur qui a dessiné des personnages classiques comme le Coyote, comme Tweety Bird qui a dessiné, qui réussissent enfin à bouffer leurs victimes dans des scènes extrêmement sanglantes. Fait que tu vois par exemple le chat... Tu parles comme ça, comment qu'il mange? Sylvester qui mange Tweety, là. Ouais, ouais. Putain, il y a plein de sang partout, là, c'est génial. Ah, ouais. Même chose pour le Coyote. Ça fait énormément de bien de voir ces dessins-là. Ce que j'ai trouvé bizarre dans le livre, c'est qu'ils ont oublié Snoopy. Il y a plein de Snoopy, il n'a pas été mentionné. Puis ils ont parlé des Simpsons, mais ils n'ont pas parlé d'Itchy et Scratchy. Ils ont parlé de Snowball, le chat, qui est selon moi pas mal moins populaire qu'Itchy et Scratchy. Le chat des Simpsons? Ouais, parce qu'il dit, il parlait que il y a eu plusieurs chats, la plupart sont morts écrasés, les Snowballs, Snowball 1, Snowball 2, Snowball 3. Mais tu vois ça, c'est vague dans ma tête. Puis juste aussi pour dire qu'ils ont parlé de Roxy Rookie, là, le drame Walt Disney, c'était un drame quasiment homosexuel, puis c'est sans happy ending, puis c'était une première chez Walt Disney. Ok. Moi, je ne sais pas d'avoir vu ça. D'un chien de chasse avec un renard. Ouais. Super amoureux au début dans leur enfance. Puis à un moment donné, quand ils deviennent vieux, ben, le chien devient un chien de chasse. Ouais. Puis ben, à un moment donné, leur amitié se brise. Puis ben, c'est super déchirant, c'est vague dans ma tête. Mais quand même un deuxième, puis un troisième, je pense. Hein. Un deuxième quoi? Roxy Rookie. Ah ouais, ok. Ben, même mon fils de 8 ans a trouvé nul le deuxième. Ok. OK, fait qu'on va attendre patiemment Zorro, puis pendant ce temps-là, ben je voulais savoir, Marc Letrémoy, toi t'es un fan entre guillemets de Donald Trump. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'as pensé de son discours présidentiel? Moi j'ai entendu des bons. J'ai eu des bons feedbacks. Ben, écoute, on parle de lui. Je sais pas, ça surtout qu'il me parle politique en plus. Non, moi aussi, j'ai pas écouté, je n'ai pas entendu son discours, mais j'ai vu des commentaires que c'était un bon discours présidentiel où ce qui rassemblait, il essayait de rassembler le plus de monde possible. Ce qui, finalement, est bien, parce que je pense qu'il s'est fait critiquer énormément. De toute façon, il s'en calisse de la critique, mais je pense à l'intérieur même de la Maison-Blanche, c'est comme faisait. Ben là, il serait peut-être un peu temps de rassembler le monde, là. Parce que c'est le président le plus impopulaire... Depuis l'an de Néandertal. Presque, on peut dire ça. C'est quoi la statistique? Ça prend à peu près une trentaine de mois avant que finalement tomber en bas de 50% dans le... L'amour du peuple face au président. Lui, ça a pris juste un mois avant qu'il tombe dans le en bas de 50% d'approbation, voilà. En même temps, c'est quoi parler et unir et les gestes? Les politiciens aiment beaucoup ça parler, mais on s'entend-tu que parler, ça sert crissement à rien? Il faudrait peut-être poser des gestes, mais les politiciens poser des gestes, ça va comme pas vraiment bien ensemble. On va voir si unir dans les gestes, ça va être la même chose, mais en tout cas, à date, ces gestes portent pas vraiment l'unisson. Ouais, je comprends ce que tu peux dire. Avez-vous fini de parler de politique? C'est toi, Steve. Hey, non, je comprends ce que tu veux dire. Sauf que, à la position où il est, une position de pouvoir énorme, là, souvent, ses paroles peuvent faire beaucoup de... Voyons. L'effet. Hey, il va vomir, esti. Non, mais ses paroles font de l'effet, c'est de la manipulation. Les gens s'attendent à ce qu'ils disent des choses réconfortantes. Je trouve ça tellement triste. Je prendrais plus de Red Bull avant d'enregistrer. Je suis pas capable de terminer mes phrases. Bon, ok, bon, on va fermer à Yel. Je vais juste faire un petit retour habituel sur le podcast il y a deux semaines. Vous rappelez, on était. Oui, c'est silencieux, là, ceux qui parlent pas, là. Ouais, on va reparler de ça tout à l'heure, tu vas voir. On était devant les portes de l'enfer pour tester des biscuits à chien avec Cerbère. Ben là, il s'est passé quelque chose. Il y a un petit démon en sandales avec une barbe pis sentant le patchouli qui est sorti pis il a dit, nous autres Cerbère, on lui donne des biscuits vegan. Fait qu'il nous a donné une recette pis c'était des biscuits vegan faits avec des carottes et des dattes. Alors. Puis il y a une autre affaire aussi, je vais reparler du réalisateur Alexandre Iglesia. Mon frère s'était trompé avec Alexandre Adja. Moi je l'ai repris, j'avais dit que c'était Alexandre Iglesia, mais Alexandre Iglesia n'est pas Alex de la Iglesia, qui lui a fait des films comme Balada Triste. Film de clown tueur, je sais pas trop quoi, je pense que t'avais. C'est quoi le titre de ça que t'as dit? Balada Triste. Quelque chose de même. Ah, Day of the Beast! Tu parles Alex de l'Église, tu connais? Oui, je connais, j'ai un film de lui. Oh, ouais, okay. C'est un réalisateur espagnol qui crée des films d'horreur, humour noir avec des gens un peu difformes dans ses films comme Action Mutante, par exemple. C'est lui, le crime parfait aussi, je pense, qu'il a fait. Ouais, il me souvient, il y a des personnages qui sont laids. Ouais. Puis Alexandre Iglesia, lui, ben c'est ça, j'avais nommé deux films de lui. Ben, il y en a un prochain qui sort, c'est Fuck Me Now 3, This Time It's Personal. Alors, c'est le troisième, c'est le film d'Iglesia. Okay. Fait que dans tous les bons vidéos qui n'existent plus maintenant, sur Netflix ou à la bibliothèque. Fait qu'on pense tout de suite à ce qui nous fait jouer et il nous fait chier. Hey, je suis abonné à Netflix. Oh, orgasme, ah ouais, c'est marasme. C'est nul. Oh, moi, j'aime pas Netflix. Netflix. J'ai vu deux bons films. C'est lesquels? Lesquels? C'est un documentaire qui s'appelle The White Helmets. Ah, oh, c'est ça que je voulais dire. Ah, oh, tabarnouche. Tu parles d'orgasme et marasme, mais toute la semaine, j'ai dit, ah oh, oui, ça, je vais parler de ça. Je vais parler de ça comme mon orgasme. Puis là, je suis arrivé tantôt, je fais, c'est quoi encore? Là, tu me le rappelles. The White Helmets. C'est un documentaire sur justement la guerre civile en Syrie. Mais c'est l'orgasme, c'est l'orgasme, c'est mon orgasme, okay. Ça. Mais en fait, j'en ai un autre. Mais bref, j'en ai deux finalement. C'est ça. Je vais t'en prendre deux parce que j'ai complètement oublié de penser à mon orgasme. Ok, je te l'échange contre quoi? contre une défaite. Ok, parfait. de Mémoire 44. Parce qu'après chaque enregistrement, maintenant, les deux amoureux, les deux marques, jouent à Mémoire 44. J'ai gagné deux fois à date, Hugo! Moi, j'ai arrêté de jouer parce que j'étais tanné de vaincre mon frère. Tout le temps. Même quand je voulais perdre, je gagnais. Ça, c'est vrai. Moi, je t'avais d'arrêter, mais j'arrête pas de perdre. Bon, deux games. Oui, c'est vrai. Es-tu vraiment pas bon? Non, j'étais okay. Super chanceux d'aider. Tu sais, je le dis. Ouais, The White Helmets, c'est comme un groupe qui est là pour essayer de sauver le monde des bombardements qu'il y a en Syrie. Puis, ce qui est vraiment dégueulasse, ce qu'on voit, c'est qu'on voit les bombardements en direct, live. Avant, c'était des bombes artisanales que le gouvernement envoyait, puis depuis que les Russes sont arrivés là avec leur jet militaire, c'est fou les bombes qui font sauter, puis ils visent même les hôpitaux, surtout à la ville d'Alep. C'est effrayant. Mais bref, ils sont à peu près 2000-3000 casques blancs syriens qui s'entraînent en Turquie, puis ils reviennent en Syrie pour sauver le monde dès qu'il y a un bombardement dans la ville d'Alep ou dans toutes les autres villes qu'il y a en Syrie. Puis ils sont là pour essayer de sauver le monde en dessous des rubbles. Comment on dit ça? Des débris. Merci! C'est un film en anglais, c'est pour ça que je l'ai dit en anglais. Pourquoi il dit souvent Rumbles dedans? Peut-être. Je m'en souviens plus. Okay. Ouais, je pense que j'en ai entendu parler. Mais je suis pas sûr. Mais c'est hallucinant comment que l'international ferme les yeux sur ce qui se passe à Alep. Ça me fait pas. Je lis des livres en ce moment, c'est la Deuxième Guerre mondiale. C'est la même petite affaire. On est en train de massacrer des gens. On en est directement et indirectement coupable de ces massacres-là, de ces gens-là. Un pays est complètement mis en ruine. Il y a des gens qui veulent quitter ce pays-là pour pas mourir, parce qu'il reste plus rien. Mais quand je dis qu'il n'y a plus rien, c'est juste des ruines. On essaie de les accueillir à bras ouverts ici. Puis il y a du monde qui dit on n'a pas les infrastructures ou on risque d'accueillir des terroristes. Moi, ça me met tellement en rogne que je vais arrêter là, immédiatement. Moi, je comprends pas qu'est-ce que la Russie fait là-bas. Il faudrait que j'étudie plus ce dossier-là. Je me renseigne plus là-dessus, mais... Je trouve ça dégueulasse. Ils font en croire qu'ils combattent le ISIS, là. Les Américains aussi sont là. Les Français aussi sont là. Les Canadiens aussi ont bombardé. Les Canadiens ont bombardé. Les Français ont bombardé. Les Américains ont bombardé. Les Russes ont bombardé. Mais bon, les Russes sont beaucoup plus impliqués. Ils sont à côté avec le gouvernement syrien, en tout cas, bref. Moi, je pense qu'ils auraient une notion géostratégique puis économique et de ressources pétrolières en Syrie. C'est évident. Ça ressemble à ça. C'est clair. Parce que là, de plus en plus, il n'y a plus de pétrole. Ça devient de plus en plus. Puis on cherche pas des énergies alternatives. Donc, je pense que le pétrole devient des enjeux de guerre. De plus en plus intense. Ok, tu l'as un orgasme de moi, je t'échange Laurent Duvernay-Tardif, voilà. What? Débrouille-toi avec ça. Ça va être un cycliste, ça? C'est un Québécois. On va dire que c'est Marc Jodoin qui parle. Attends, je vais arrêter et péter, là. Ouais, Laurent Duvernay-Tardif, c'est un Québécois qui a été repêché par la NFL, National Football League, il y a 4 ans. Il joue pour les Chiefs de Kansas City. C'est un joueur de garde. Il a signé un contrat sur la ligne offensive. Il a signé un contrat de 5 ans. Ouais, c'est ça, si je fais le calcul, pour 40 millions de dollars. Ce qui est assez remarquable chez ce gars-là, c'est que lui, il joue à l'université McGill ici. Il a été repêché par un club aux États-Unis. Ça se fait jamais, là. C'est extrêmement, extrêmement rare. Puis quand il jouait pour McGill, il n'avait pas le temps de pratiquer avec les gars. Il arrivait à la game, il jouait, puis après ça, il s'en allait. Parce que lui, il étudie en médecine. Puis pendant la saison morte, il continuait à étudier en médecine. Puis quand il était signé la semaine dernière, son contrat à Kansas City, il était obligé d'arrêter deux jours ses études? Ouais, ses études. Il était de garde à, je crois, c'est l'hôpital Victoria. Qui est associé avec l'Université McGill. Bref, tout ça pour dire qu'il est obligé d'arrêter ses études, aller signer, revenir, puis continuer, euh, continuer à travailler à l'hôpital. Puis c'est la même chose cette semaine également. Il y avait une conférence de presse à faire à tel endroit à Montréal. Il est rentré le matin à l'hôpital. Il était pour faire sa conférence de presse. Après ça, il était retravaillé à l'hôpital. Quand même fantastique, là. Le gars, physiquement, il a une habileté incroyable pour jouer au football professionnellement. Puis en plus, il est super intelligent puis étudie en médecine. Ça doit être rare des joueurs de football qui soient intelligents. Non. Non, mais les joueurs de football, justement, ils n'ont pas la plupart des bonnes des études assez. T'es obligé. T'as pas le choix de passer par l'université pour jouer au football. Donc, les joueurs de football sont plus cultivés et sont plus intelligents que les flics. Sans commentaire, Marc. Ton marasme? Ah oui, mon marasme. C'était quoi, non? Mais l'orgasme, c'était quoi? C'était ton admiration face à ce gars-là? Oui. Okay. Il est en amour. Oui, puis en passant, si vous voulez le connaître, il va passer à Tout le monde en parle dans deux soirs d'ici. Mon coup de masse. Ouais, écoutez, en ce moment, je suis en train de lire un livre. C'est pas coup de masse, c'est marasme. Pourquoi j'ai... Ouais, c'est... Excusez-moi. Des formations professionnelles. Je sais pas pourquoi je dis ça. Quand tu cotes des films, Christian, tu sais, tu mets une cote de 1 à 10, des fois des points 3, des points 5. Ouais. Puis moi, là-dessus, sur mon marasme, je vais mettre une cote de moins 1 à moins 10. Oh. Tu sais, moins 10, c'est un gros marasme. Là, je vais mettre un petit moins 1 sur mon marasme. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Le livre noir du Canada anglais » écrit par Normand Lester. Ouais, ouais. Je suis rendu dans le deuxième. Je vais te dire les côtés positifs, côté négatif de ce livre-là. Côté négatif, c'est que ça date du début des années 2000, donc ça l'a comme mal vieilli. Il parle surtout et beaucoup des éditorialistes des journaux anglophones qui sont qui quand ils prennent des décisions, quand ils écrivent un article, là, ça a beaucoup d'impact par rapport à nous les francophones, parce que ils donnent plein d'exemples justement dans ces livres-là, des critiques anglophones sur nous. Sauf que peut-être à l'époque, ils avaient beaucoup de pouvoir, mais aujourd'hui, il y a tellement de communication de masse que ça a comme dilué leur pouvoir. Et également avec les Facebook, les Twitter de ce monde, ils perdent beaucoup de leur impact. Puis c'est pour ça que je dis que ça vieillit un peu mal. Puis on est comme rendu une génération plus tard, après le dernier référendum en 95. Donc, ça, c'est le côté un peu négatif que je vois. Peut-être à cette époque-là, c'était quelque chose quand un anglophone parlait contre les francophones à travers les journaux. Puis même plus aujourd'hui, parce qu'en plus, il disait, regardez ce que les anglophones disent de nous. Voici un article d'un journaliste. Mais je ne crois pas que tel journaliste était le porte-parole de tous les Canadiens anglais. Peut-être de certains, peut-être de beaucoup, mais sauf qu'on n'a pas le pourcentage. En tout cas, ça, c'est un côté un peu négatif que j'ai. L'autre côté un peu négatif, c'est que souvent, Normand Lester, il tombe dans le même pattern que ces anglophones-là qui critiquent. Il les insulte en disant, regardez, il était un collabo, puis sans même donner d'explication. Moi, souvent, quand j'étais jeune, Normand, elle disait, quand tu commences à insulter sans vraiment dire quelque chose de concret, c'est parce que tu es en position de faiblesse. Arrive avec des arguments, dis quelque chose de vraiment quelque chose de concret, de substantiel, puis là peut-être tu vas pouvoir un peu plus de force. Ça, c'est un peu le côté négatif que je trouve de Normand Lester. Côté positif, on apprend quand même énormément de choses là, sur l'histoire du Canada, ce qu'on n'a pas appris quand on était au secondaire, parce qu'on dirait qu'on voulait rester dans le politically correct, là, tu sais, pas trop faire de trop de conflits. L'histoire que j'ai appris mon secondaire, c'était bon, ben là, comment les agriculteurs, ils mettaient leurs parcelles de terrain, c'était en rectangle plutôt qu'en carré, plutôt en tout cas, bref. C'est ça qu'on apprenait. Il y a un côté propagandiste dans l'histoire, faut pas se le cacher. Je veux dire, comment j'ai appris au secondaire, comment étaient traités les Amérindiens lors du colonialisme versus la réalité, c'était de la propagande pure et dure. L'histoire m'a jamais dit que les Amérindiens étaient assassinés de sang-froid, par exemple. Ben, je comprends. Incluant les enfants. Par exemple, juste une parenthèse, là, une petite parenthèse. Quand les Jésuites sont arrivés puis qu'ils ont vu que les mères amérindiennes, je me souviens plus quelle communauté, avaient leur bébé dans le dos puis que leur petit pénis sortait du sac où ce que le bébé était retenu, parce que le bébé, quand il pissait, l'urine sortait à l'extérieur du sac. Les Jésuites, complètement choqués, ont dit « Cachez ce zizi que je ne voudrais voir ». Fait que ils se sont convertis au christianisme, les mères ont caché le petit pénis, l'enfant a pissé dans le sac où il était, puis il y en avait beaucoup qui sont morts gelés. OK. Fait que c'est... Wow! Ça va bien. Ouais. Puis juste terminer sur un autre petit côté positif de ces livres-là, Normand Lester, ça donne le goût d'être souverainiste. Voilà. Il sait tout ce qui s'est passé. Ben ouais, mais il y a un parti pris, Normand Lester. C'est sûr. Je crois pas qu'il dit tout non plus, mais il parle d'un certain... de son côté, de ce qu'il voit. On dirait que... On dirait que des fois qu'il souffre de bipolarité. Pourquoi? Tu l'as lu le livre? Non, mais je connais un petit peu, je connais un petit peu le personnage. Non, mais moi, Norman Lester, je l'avais entendu justement dans le podcast un midi à la table d'à côté, puis il était avec Jocelyne Cazin. Puis j'avais vraiment trouvé ça intéressant, un peu pessimiste, un peu déprimant, parce que lui, il avec tout ce qu'il connaissait, puis tu sais, en tout cas, il voyait pas l'avenir d'un bon œil, puis je sais pas, toutes les anecdotes aussi, des choses qu'il connaissait, mais tu sais, qu'il pouvait pas trop se prononcer non plus, mais il était intéressant quand même, puis il était beaucoup moins sérieux que l'homme que j'avais l'habitude de voir à télé, pas très beau non plus. Il rigolait beaucoup, il faisait beaucoup de blagues malgré le noir des fois qu'il laissait transparaître dans ce qu'il disait. Je comprends, tu peux dire qu'il était un peu négatif de l'avenir, là, mais justement, je vais faire un petit cours d'histoire tantôt. Un petit cours d'histoire politique, ça va prendre 2 minutes, Christian, okay. Ça sera vraiment pas long. Oui. C'est quoi la différence dans les années 80-90 puis aujourd'hui? Ouais, c'est bon ça. Ouais. Marc, Maras, Morgas, mais avant 10 ans, si t'en as pas? J'ai lu un texte aujourd'hui qui m'a fait du bien. C'est un texte écrit dans La Presse, un journal que je considère comme un véritable torchon, mais de temps en temps, on peut retrouver des chroniques intéressantes. C'est écrit par un homme que je me souviens juste de son prénom, Michel, je me souviens plus c'est quoi. C'est un mec, un prof à l'Université d'Ottawa, je crois, en criminologie, qui avait donné son opinion sur les radios poubelles de Québec après les attentats de Québec, disant que les chroniqueurs avaient du sang sur leurs mains. Oui, oui. Et puis, il a écrit un article aujourd'hui qui disait qu'il regrettait pas du tout ces mots-là et qu'il pensait encore aujourd'hui, après mûre réflexion, que les chroniqueurs ont du sang sur leurs mains. Et moi, en lisant cet article-là, ça m'a fait beaucoup de bien parce que je considère que les chroniqueurs ont du sang sur leurs mains. Donc, pour moi, c'est mon orgasme. Puis mon marache, je dirais juste Martineau crève gros sale. Mais celui qui a fait la tuerie à Québec, je pense qu'il a été prouvé qu'il écoutait pas la radio de Québec. Ça se peut-tu? Ou je me trompe, là? Quand tu lis les commentaires des gens sur les pages d'Éric Duhem, par exemple, ou Martineau, qui lisent ou qui lisent pas, le criminologue l'a dit, ces gens-là nourrissent une haine, nourrissent une désinformation, encouragent les gens à ne pas aller vérifier les faits et encouragent les gens dans les stéréotypes et les préjugés. Donc, si le gars de Québec n'aurait pas écouté la radio poubelle de Québec, il en a quand même écouté. C'est la radio poubelle des États-Unis. Je pense que c'est le gars qui a dit, ça c'est drôle, là, il avait dit, celui qui a dit que les chroniqueurs avaient du sang sur les mains, il a comme été justement, il y a d'autres personnes qui ont demandé, mais il paraît que justement, ce gars-là, il écoutait pas la radio. Puis là, lui, de répondre, ben là, il était arrêté dans son auto. Là, les gens ont dit, ouais, ben là, dans ton auto, qu'est-ce que t'écoutes? La radio. Son argument était pas fort. Il était dans sa radio. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut pas sous-estimer le pouvoir que les médias ont sur l'opinion publique. Et nier ça, c'est pas une déformation, c'est une malhonnêteté intellectuelle. Et les Martineaux de ce monde sont constamment en train de nier comme des vierges offensées leur pouvoir sur l'opinion publique. Et quand tu regardes sa page Facebook, c'est bourré de haine, de propos racistes, ça donne le goût de vomir, c'est écœurant, et comme il n'a pas le statut de journaliste, il se permet d'affirmer des opinions sous forme de faits et de mettre partager des articles de journaux qui n'ont pas été vérifiés et qui sont souvent nourrissent de la désinformation. Donc, pour moi, c'est des gens qui nourrissent une haine. Ils ont pas à se disculper genre je n'ai rien fait, non, ils sont responsables de cette espèce de... Puis en même temps, la montée de la haine au Québec, elle augmente. Les gestes face aux communautés musulmanes, par exemple, augmentent au Québec par des gestes de vandalisme, des insultes, des choses comme ça. Depuis 2 ans à peu près, ça a énormément augmenté, et je pense que ces chroniqueurs-là en sont en partie responsables. Ouais. Les actes d'intimidation sur le petit Jérémy aussi augmentent. Depuis qu'on sait qu'il va faire du métal au Rockfest, il y en a qui sont... Contents. C'est moi qui ai écrit quelque chose sur sa page Facebook. Ben non, et le gars est en prison. Ah ouais, mais ils ont pas pogné de bon gars. OK. Ben c'est à moi d'abord, mon orgasme. Donc, cette semaine, après m'être remis de la sodomie de mon frère, parce qu'il faut se rappeler que ce fils de pute avait dit qu'il allait enculer tous les silencieux. Fait que moi, je suis silencieux. Oh, excuse, merde, j'ai dit fils de pute. Maman, je m'excuse. Hugo! Ben, moi, après m'être remis de la sodomie, j'ai lavé mon char. Mais là, quand j'ai eu mon char, moi, il y a pas longtemps, puis c'est mon premier char en 41 ans, je me me suis dit, moi, j'ai pas le goût de laver, d'utiliser de l'eau, puis d'aller dans un garage, puis utiliser plein d'eau. Fait que mon orgasme, c'est la pluie. Il pleuvait il y a pas longtemps. Fait que je suis sorti avec une guenille, puis pas avec l'eau de la pluie, ben j'ai lavé mon auto. J'encourage tout le monde à faire ça. Fait que ça, c'est mon orgasme. Merci, la pluie. C'est génial. Ben oui. Imagine-toi, tu fais ça avec ta blonde en petite tenue, là. Ben oui, tout le monde, ça ferait quelque chose de fun. Il pleut, tout le monde dort en tenue de chasse. Ouais. C'est génial. J'avais un autre petit marasme aussi, mais un autre orgasme aussi, je vais le dire rapidement, c'est Justin Payne que j'ai découvert aujourd'hui sur YouTube, puis c'est un chasseur de pédophiles. Fait que lui, il rentre en contact, il se fait passer pour une petite fille de 13 ans sur Internet, puis là, il donne un rendez-vous, puis là, il arrive, puis il dit « Hey, salut, c'est moi, Valérie, la fille de 13 ans. Ah. » Puis là, il discute avec le pédophile, puis il dit que je te vois encore faire ça, mon esti chien. Mais c'est pas son vrai nom, Justin Payne. Je te dois pas. C'est un jeu de mots. À un moment donné, il va pogner un pédophile, tueur en série, puis on n'entendra plus parler. Mais il est pas tout seul, il est avec un caméraman, ton deux. Caméraman, je pense qu'il est assez beef. Oui, j'ai vu un film de petits jeunes comme ça qui sont mis à faire du chantage à un tueur en série. Des fois, ça peut mal tourner, hein. Oui, mais au moins, moi, je lève mon chapeau à Justin Payne. C'est excellent, mais ça risque de mal finir à un moment donné, ça. Mon marasme maintenant, c'est je l'ai pris dans mon livre que j'ai lu, donc c'est quelque chose qui remonte à longtemps. Laika, tu sais, Laika, c'est une chienne qui est morte en 1957. Ouais. 7 heures après avoir été lancée à bord du satellite russe Sputnik 2 pour tourner autour de la Terre à 200 km d'altitude. Bon, son calvaire commence dès le début, hein, une combinaison, un masque sanglé dans un étroit cockpit. Dès l'envol, ses pulsations cardiaques doublent, sa respiration se met à halter et son poids de 6 kg est multiplié par 9 sous l'effet de la force centrifuge. Bon, c'est un décès assez stressant, merci. Sauf que le marasme là-dedans, c'est que la vérité sur la mort prématurée de Laika a été longtemps cachée au public. On a menti à peu près sur une dizaine d'années sur sa mort. On a fait croire que la chienne avait survécu plusieurs jours, qu'elle allait bien, puis qu'on avait préparé sa mort, parce que c'est sûr que le retour du satellite, elle devait mourir, fait qu'on avait dit qu'on avait préparé une espèce de petite bouffe empoisonnée. Mais non, elle est morte seulement 7 heures après le lancement, dans d'horribles souffrances. C'est russe, ça? Oui. Ils sont forts pour nier des horreurs qu'ils ont créées, les enfants de chiennes. Hein? Je m'attendais à ce que tu dises. Non, parce que j'ai lu un livre d'Anthony Beaver qui s'appelle La chute de Berlin, non. Stalingrad. Puis le livre a été banni en Russie à l'époque, puis le livre il date de 1998, je crois. Anthony Beaver, qui est un excellent historien anglais de la Deuxième Guerre mondiale. Puis dans les archives, il a tout simplement dit que les... Mais c'est quoi la ville, là, où est-ce que il y avait les Russes ont tué des sergents, tu sais, il y a un film qui s'appelle... C'est pas Brest, c'est... Le nom d'une ville. Oui, ils ont nié ça aussi, ouais, des Polonais, des officiers polonais, ouais. Là. Ils ont mis ça sur le dos des Allemands. Oui, ils ont mis ça sur le dos des Allemands. Mais non, c'est juste que Anthony Beaver disait dans son livre, tout simplement, les viols, par exemple, que les Russes pratiquaient en quantité phénoménale. Les Russes, c'était pas les seuls. Mais les Russes pratiquaient beaucoup le viol, leurs massacres, etc. Puis la Russie a pas apprécié les propos de l'historien... Puis le livre a été banni en Russie. Mais c'est pas la première chose que, première fois que les Russes ou d'autres pays interdisent que soient diffusées certaines vérités. Mais encore mais aujourd'hui. Poutine. En 2017. Avec leur dictateur, hein, parce que pour moi, en ce moment, la Russie, c'est la dictature. Avec Poutine, qui est extrêmement fort de son égo, je donnerais beaucoup de points communs avec Mussolini. Là. Lui, il doit beaucoup en cacher des choses. Hein. Ouais. Le film, c'était Katyn. Le nom de la ville. Oui, c'est ça. C'est ça, la ville. Il y a eu un film en 2007. Katyn. Un drame historique. On suspecte que Poutine serait, on n'est pas certain, mais on pense qu'il serait un des hommes les plus riches au monde. Voilà. C'est ce que j'avais dit, ben oui. Mais les Jeux Olympiques, il y a pas longtemps, ouais. Là, pas loin de la petite ville qui avait massacré tout le monde. Sochi, là. Ouais. Ah, c'est ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de détournements de fonds, là. Énormément. Milliards détournés, là. Puis la ville est redevenue une ville fantôme, là. Quiz! Ouais. Quelque chose de joyeux, là. Mais c'est pas un quiz. C'est une devinette. C'est un podcast que j'ai écouté qui s'appelle This American Life. Puis c'était assez drôle ce qui est arrivé. C'est une anecdote. C'est Matthew, un étudiant américain dans une université Penn State aux États-Unis, qui faisait la fête avec deux de ses chums. On va l'appeler chum numéro 1, puis copain numéro 2, OK? Puis là, à un moment donné, il est en train de faire la fête, puis le copain numéro 1, il dit que la veille, il est en train de prendre sa douche, puis tout d'un coup, pendant qu'il prend sa douche, bling, bling, il y a du change qui tombe dans le fond de la douche. Fait, ça sort d'où, cette affaire-là? Puis là, ben, moi, c'est vrai, là, Mathieu, puis son chum numéro 2, il dit, chum numéro 1, il dit, ah, t'as dû cacher du change dans ton cul. T'as dit, on n'a aucune idée d'où ça sort. Ça passe, une semaine passe. Ça passe. Moi, je cache du change dans mon cul. Mais non, mais ils n'ont aucune idée d'où que ça sortait, là, cet argent-là. Mathieu, maintenant, il prend sa douche une semaine plus tard. Ting! Un 25 cents tombe de la douche. Là, il fait, ça sort d'où, ça? Il n'a aucune idée, lui. Puis il dit, voyons, t'as la même affaire, mon chum. Puis, il capote. Il n'a aucune idée qu'est-ce qui se passe. C'est une histoire vraie? Oui. OK. Là, deux jours plus tard, il reprend sa douche encore, pis ting, pis ting, 25 cents pis 10 cents qui tombent. Il fait, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe, ça sort d'où, cette affaire-là? Au début de ça, j'ai dit c'était une devinette. Maintenant, on est rendu à la partie devinette. Qu'est-ce que vous pensez que c'était qui se passait? Ils sont dans une douche, j'ai pas compris. Non, c'est sa douche à son dortoir là, à l'université. Mais là, ils ont pas la même douche. Non. Les deux. Okay. Non, pas du tout. Deux douches différentes. Ils ont-tu le même montant? Non, c'est des montants différents qui tombent. OK, fait que l'argent n'a pas vraiment d'importance. C'est pas une douche payante? Non, pas du tout. Ah. Non, c'est une douche dans sa chambre. Là. Bon, ben en tout cas, on va laisser prolonger l'effet. Là. Je vais donner la réponse à la deuxième heure du podcast. Deuxième heure? Ah, il n'y a pas de deuxième heure? Bon, je pense qu'il va falloir que je le dise tout de suite. Il la cachait vraiment dans son cul. Non, ce qui arrivait, c'est que c'est un étudiant, puis lui, quand il rentrait, par exemple, dans sa chambre, il enlevait son t-shirt, puis il se couchait sur son lit. Puis en se couchant sur son lit, il avait les poches pleines de change, puis les poches se vidaient sur son lit. Puis là, il y a quelques scènes qui se collaient dans son dos, qui fait un effet de succion. Puis là, quand il se levait, c'était encore collé dans son dos. Mais là, quand il allait prendre sa... Oui, les deux. Ah, ouais, OK, c'est là, un hasard. C'est un hasard tout à fait. Puis là, quand il allait prendre sa douche, il y avait encore des scènes collées dans son dos. Hey, ça, c'est de l'anecdote, mesdames et messieurs. Merci! Hey, voilà, ouais. On a changé patling, de... Patling, patling, patling! On a changé de poutine, et voilà. Plus fun quand on se parle de politique. Ah, ben, c'est sûr. OK, ben, je peux en parler, si tu veux, là. OK. Hey, ben, sur deux minutes d'histoire. Ouais. Non, je parlais de Norman Lester tantôt, puis ça me fait penser un peu à ce qui se passait dans les années 80, puis il y a beaucoup de... Le fluo? Il y a beaucoup d'anecdotes qui se passaient. Le fluo. L'odeur fluo, là. Ouais, je sais que ça a duré... Les lacets ah ouais, au coton. Je me souviens aussi, il y avait des bottes de ski, des skis alpins, tout était fluo. Ça avait duré... faisait mal aux yeux. Une mode qui a duré 2 ou 3 ans. Puis tous ceux qui avaient acheté ça une année, il fallait qu'ils se rééquipent parce que c'était là, comme tu dis. ouais, non, c'est pas un mode fluo. Non, c'est juste pour dire qu'en 76, quand le PQ est arrivé au pouvoir, on s'en rappelle, en 80, il y a eu le référendum, le non l'a remporté. Mais il y a des petites anecdotes qu'on oublie. À ce moment-là, Pierre-Éliott Trudeau avait dit « Québec, parfait, je t'ai compris, on va faire quelque chose pour toi. » On va rapatrier la Constitution canadienne, c'est ce qu'il a fait. Ça, c'est rapatrier la Constitution, c'était pour modifier, sans l'accord de la Grande-Bretagne, des articles de la Constitution. Parce qu'avant, chaque changement qu'on voulait faire, il fallait passer par la Grande-Bretagne. C'est pour ça qu'il voulait la rapatrier. Bon, par exemple, tu sais, comme je disais, changer le partage des compétences. Il y a eu les négociations au début des années 80, je ne m'en souviens plus l'année exacte, là, puis il y a eu la fameuse nuit des longs couteaux où que toutes les provinces avaient négocié pendant la nuit alors qu'on n'avait pas parlé à René Lévesque qui était, lui, resté couché dans sa chambre à Ottawa. Et puis, finalement, quand il a su ça, il est en tabarnak. Puis depuis ce temps-là, même si on a rapatrié la Constitution, Québec a toujours jamais signé ce rapatriement-là. On est la seule province au Canada à ne pas avoir signé pour faire les changements qu'il y a sur la charte. Quand on a fêté avec les tambours et les fanfares le rapatriement de cette constitution-là, même Claude Ryan, qui était chef de l'opposition à cette époque-là, il avait pas été à Ottawa pour fêter. Lui-même, il avait dit que c'était écœurant ce qu'on a subi par rapport à Ottawa. Fait que c'était un consensus, là. Pas juste René Lévesque puis le Parti québécois, Claude Ryan, Parti libéral, ouais, le Québec en entier. Claude Ryan, un libéral fini, là. En 84, quand Brian Mulroney a été élu au pouvoir, c'est pour le Parti conservateur. Progressiste, faudrait bien dire ça, c'était vraiment progressiste, c'était différent du conservatisme de Stephen Harper. Un parti conservateur progressiste, mesdames et messieurs. Non, mais lui, il disait, OK, parfait. On veut faire l'accord du Lac-Mich, on va tenter d'obtenir l'accord du Québec pour reviser la Constitution. Ça, c'était une des négociations qui ont duré pendant 6 ans. Il fallait, au début, toutes les provinces étaient d'accord. Parfait, on va essayer de rapatrier le Québec dans la signature de la Constitution. Et plus ça allait, plus les autres provinces disaient non, parce que le Québec avait certaines conditions, il imposait des conditions. Un, c'était, on veut plus de pouvoir en matière d'immigration. On veut une reconnaissance de la société distincte. Puis il y avait trois autres petits points un petit peu plus mineurs. On a la langue là-dedans, non? Je crois que oui, mais je m'en souviens plus. Pas tes affaires. C'est ça que je dis. Ouais. Non, je suis pas certain. Sauf que la date limite pour signer, c'était le 23, pour que toutes les provinces soient d'accord, c'était le 23 juin 90. Et ce qui est arrivé au début juin, 20 juin 90, Terre-Neuve et le Manitoba a refusé que le Québec impose ces genres de conditions-là. Et le 22 juin 90, c'était à ce moment-là, Robert Bourassa, qui était au pouvoir, qui était le premier ministre du Québec, a déclaré à l'Assemblée nationale, et je vais vous le faire écouter, ce qu'il avait dit. C'était vraiment très, très, très, très intéressant. Monsieur le Président, le Canada anglais doit comprendre d'une façon très claire que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Merci. À ce moment-là, Parizeau... Mais c'est pas lui qui avait dit « Je suis ni contre, mais bien au contraire. » Oui. Ben à ce moment-là, lors de cette déclaration-là, Parizeau, qui était chef de l'opposition, Parti québécois, s'est élevé, avait traversé la chambre, avait été serré la main de Robert Bourassa. Puis tout le monde était d'accord sur la société distincte du Québec. Puis il avait même, à un moment donné, flirté, Robert Bourassa qu'on parle, avec la souveraineté du Québec. Il y avait eu le rapport Allaire qui disait « si ça continue de même, pas le choix de faire la souveraineté ». Le président de l'aile jeunesse du Parti libéral, qui était Mario Dumont, était d'accord également. À un moment donné, Robert Bourassa a fait « bon, je pense qu'on va un petit peu trop loin là ». C'est pour ça que Dumont et Allaire sont partis créer leur propre parti, qui était la CAQ. Pas la CAQ, l'ADQ. C'est pour ça, ça prouve ce que je disais tout à l'heure. Les politiciens, c'est bla, bla, bla, bla, bla, bla. Mais quand on se rapproche trop de quelque chose qui pourrait faire bouger quelque chose, on arrête. Oui, je suis d'accord avec toi. Sauf que, il y avait comme, à ce moment-là, un engouement pour tout ce qui est arrivé jusqu'au référendum de, ben avant c'était l'accord de Charlottetown, c'était encore le même truc, c'était tout le monde votait partout au Canada pour savoir si on intégrait le Québec dans la nouvelle constitution avec ses nouvelles conditions. Le Québec a voté non, on en donne trop au Québec, et le Québec a voté non également pour dire qu'à nous, on nous en donne pas assez. Fait que ce qui a mené au référendum de 95 avec Parizeau au pouvoir, puis on sait que Pièce de théâtre. Le oui a perdu à ce moment-là. Oh non, le oui a perdu. Sauf que ce que je veux dire, c'est que à cette époque-là, on avait des idées qui menaient à, tu sais, un mouvement de masse qui menait vers quelque chose. Comparativement à aujourd'hui, parce que si on regarde Couillard, tout ce qu'il sait faire, c'est gérer les finances publiques. Tu sais, on n'a pas de projet qui motive la population, là, de projet de masse pour pouvoir aller. Parizeau, c'est quoi, en quoi qu'il étudie Parizeau? C'est quoi sa job dans la vie? Sa job, c'est pas un financier, il n'y avait pas un doctorat en finance. Ben, c'est ça, c'est un autre mec qui s'occupe de gérer un territoire comme si c'était une banque, une entreprise. Donc, moi, l'indépendance faite par des messieurs à cravate, ça m'intéresse pas. Moi, une indépendance, ça serait faite par le peuple, pour le peuple. Une indépendance faite par des politiciens qui ont étudié en comptabilité ou en finance, fuck it. Non, pour moi, c'est un leurre et ça risque de donner un pays qui va être juste pire que ce qu'on a en ce moment. Ben moi, anyways, l'indépendance, c'est aux Autochtones, il faut la donner. Pas ouais, en plus. Ben ça, tu parles de ça, mais ça, c'est une des raisons pourquoi Lac-Mich a échoué. C'est à cause du député manitobain Elijah Harper, qui disait pourquoi on donnerait toutes ces conditions-là et ces pouvoirs-là au Québec alors que nous, les Amérindiens, on n'a rien. Je suis d'accord. C'est ça que le Manitoba a voté contre. Je suis d'accord. Bravo. Toi, tu sais pas encore, tu sais pas. De? Si t'es d'accord. Avec qui? Le Manitobain, là. Non, l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est un peu nos Palestiniens, tu sais. Ouais. Oui, mais comme je dis, l'un n'empêche pas l'autre. Ça, on... Ben, parce qu'on pourrait commencer par eux. L'un n'empêche pas l'autre, sauf que dans le discours, on n'en parle jamais. Non, je suis d'accord. On n'en parle jamais, on parle juste des Québécois, nous les Québécois, mais eux autres qui ont eu rien. En fait, dit qu'on leur doit tout, puis après on prendra ce qu'ils ont. On veut une reconnaissance parce qu'on parle des deux peuples fondateurs du Canada. Les Amérindiens sont pas un peuple fondateur du pays, ils ont déjà leur territoire, ils étaient déjà là. Même le Canada, les États-Unis, ils en ont rien à foutre, là. Je sais pas si tu comprends. On parle des peuples fondateurs du Canada. Les colons. Voilà. Merci. C'est le temps de saluer, saluer, saluer. C'est le temps de saluer le Maccabée. Ah, yes, sir, oh, yes, sir. Hommage. Trump. Hommage. Un hommage aujourd'hui à... Bon, vous savez, chaque jour, il y a des personnalités publiques qui meurent. Oh non! Aujourd'hui, on va saluer le départ de Bill Paxton. Ah, C'était-tu triste, hein? Ouais. Moi, je l'ai tellement aimé. Je regarde sa filmographie, là, puis c'est ça. Toi, t'as vu Commando il y a pas longtemps? Tu l'as-tu reconnu là-dedans? Commando, je me rappelle pas. Ouais. Il y a un rôle dedans dans Commando. Je suis pas dans Commando. Ouais, ben c'est écrit. Ouais, il y a un rôle dans Commando. Dans Commando? Ben oui, je m'en rappelais pas. Dans Terminator, Terminator. Dans Commando, non, ben ouais. Je me souviens pas en tête. Intercept Officer, que ça s'appelle, qui est son rôle. Intercept Officer. C'est une table d'opération? Ben oui, calique, opération du cœur ouvert, opération du cœur, 61 ans. Qu'est-ce qu'il y avait au cœur? Je sais pas, les médias l'ont pas dit, mais je dis qu'il a succombé à l'opération. Moi, son rôle que j'aimais le plus, c'était dans Weird Science. Le seul problème, c'est que c'est un des films peut-être que j'ai écouté le plus dans ma vie. Ma meilleure comédie, mais celui-là, ce film-là, il est tellement meilleur en français, fait que Bill Paxton, je l'ai aimé, mais c'est surtout ses expressions en français que j'aimais. C'est-tu comme Slapshot, c'est meilleur en français? Ouais. Ouais, parce que j'ai écouté le film une fois en anglais, puis ça a été turn off. Moi, je l'aime beaucoup dans True Lies. Le loser, là, vendeur de voiture, je le trouve génial. Je suis plus dans True Lies. Ouais. Je suis un antisémite. Il s'est passé pour un espion à la fin. Dans Aliens, Near Dark. Oui, Aliens, c'est ça. Predator 2, Trespass. Sont un de ses derniers. Il avait réalisé un film d'horreur, lui, qui était Frailty, que j'avais bien aimé, moi, quand même. Avec Matthew. Matthew McConaughey. Ouais, Matthew McConaughey. Ouais, je l'ai pas vu, ça a l'air intéressant. Ça a l'air plus d'être un espèce de thriller qu'un film d'horreur. Non, c'est un mélange des deux. Horreur, d'après mes souvenirs. Ça fait une petite bien comme film? Disons que ça donne raison à l'homme qu'on croyait fou. Donc, c'est vraiment Dieu qui lui parle. Il y a quelque chose de même, ouais. C'est weird. Un de ses derniers films. Tu, mon fils. Un de ses derniers films, c'était Nightcrawler. Puis il était très bon là-dedans. Comme d'habitude, je vais faire un pont. Je vais faire un pont avec le thème d'aujourd'hui. Zorro? Oui. Pourquoi donc? Qu'on est au Mexique. Non, je Paxton, sais, mais j'ai comme. Ça fait quasiment mexicain. C'est comme il y a un X dans Mexique, il y a un X dans Paxton. Paxton de bière, juste déjà de la seule. Je sais pas pourquoi, mais le pont que j'ai mis Anthony Hopkins. Bon, Anthony Hopkins, il joue dans Zorro, le masque de Zorro. Puis, c'est ça ce que j'ai vu sur Internet, c'est que tu peux choisir deux acteurs puis faire un face-off pour savoir qui est le plus populaire, qui est le préféré, avec en analysant certaines données. Comme là, j'ai fait un face-off, Bill Paxton, Anthony Hopkins. C'est sur quel site, ça, ton face-off? Quelle donnée? Ouais, c'est quoi, ça? The Movie Time, je pense. Que sur quoi qu'on note le nombre de scores? Anthony Hopkins a eu 4 nominations. Il a gagné un Oscar. L'autre, il a rien gagné, Bill Paxton. Pourquoi Anthony Hopkins? Pourquoi lui? Ah, à cause des autres? Ouais, c'est ça, ben oui. Okay. L'argent de leur film. Dans leur in-starring role, leur premier rôle, fait que le plus d'argent ramassé. Donc, diverses facettes de données, pas juste liées à leur célébrité, mais liées à toutes sortes d'éléments. Après, il y a le talent, le hotness, peut-être, c'est peut-être la beauté. Puis là, après, on note c'est qui est le meilleur dans les comédies, qui est le meilleur dans les comédies romantiques, dans l'action, qui est le meilleur en tant que bad guy. En tout cas, bref. pense que c'est assez facile, hein. Qui c'est que vous pensez qui gagne? Ben, un bad guy, c'est Anthony Hopkins, ça, c'est sûr. Non, non, mais en tout. C'est le winner, c'est Anthony Hopkins, 15 contre 4. Fait que ça veut dire qu'il y a à peu près 19 critères. Okay. Et Anthony Hopkins, il en a rempli 15. Mais c'est drôle, en tout cas, j'ai tapé d'autres acteurs. Des fois, moi, j'ai fun d'autres accents puis Richard Gere, tu sais. Bon, on peut le faire, gars. Ça va être Richard Gere. Richard Gere. Ouais, ça va être lui qui va. Ouais, Richard Gere. Il est tellement fendant, lui, il m'énerve. Parlez, là, pendant quelque chose. Mais il y a déjà. Bill Paxton n'a jamais eu une nomination aux Oscars. Non, Richard Gere, je dirais que oui. Je pense pas qu'il a gagné. Tu sais qu'il avait déjà été dans une émission française à un moment donné, puis la matrice lui disait alors, Richard Gere, il a regardé It's Richard Gere. Oui, Richard Gere, je voudrais dire que It's Richard Gere. Okay. Elle répétait tout le temps Richard Gere, lui, Richard Gere, puisque les Français me font rire, eux autres, ils disent les noms de famille puis les prénoms sans se forcer dans la prononciation du nom original. Ils disent en français, tu sais. Will Smith. Quand Sean Connery, ils vont l'appeler Sean Connery, tu sais. Sean Connery, les aventures de Sean Connery à Paris. Merde, attends, continue à parler. Attends. Qu'est-ce qu'il y a eu avec Sean Connery? Ça fait longtemps. Ah, lui, il a donné sa retraite, je pense. Il était plus capable. Ah, il y a comme Gene Hackman aussi qui mais il achève, qui a pris sa retraite. Il est pas mort, lui? À un moment donné, Richard Dreyfuss avait pris sa retraite. Il était retourné aux études à l'âge de 60 ans, 60 quelques années. Puis il dit, je fais plus jamais de film. Puis, on l'a revu dans les deux, trois années plus tard, il a fait un autre film. Ben, comme Arnold. As-tu vu Arnold dernièrement? Il était pas supposé arrêter le cinéma, lui? Peut-être, ouais. Moi, j'ai aimé ses films. Il ne pouvait pas pendant un certain temps. Ben oui, ses derniers films n'étaient pas si mauvais. Le film qu'on a vu, là, le shérif là, dans la ville où il y a un gars en voiture. Là, ouais, le film de l'Asiatique. Ouais, c'était bon, ça. C'était intéressant. Ah oui. Puis Maggie, il fait le père d'une fille qui est en train de se transformer tranquillement pas vite en zombie. Ouais. Surprenant. Un film de zombie? Ouais. Ouais, tout est zombie à ce temps. Non, mais hey! Arnold, dans un film de zombie, c'est plus un drame. Qu'un film de zombies, parce que le film est très lent, il y a une belle photographie, c'est un film hypnotique où il y a beaucoup de gros plans sur des objets de la vie quotidienne, par exemple, ou des cartes postales de lieux, ça se passe dans le sud des États-Unis. Bref, c'est un très beau drame où il doit dealer avec sa fille qui va mourir bientôt, puis il sait qu'à la fin, il doit la tuer pour pas qu'elle se retrouve dans un zombie. Bon, pendant ce temps-là, on parlait de Netflix tantôt, j'ai vu un deuxième film Netflix cette semaine, j'ai pas eu le temps d'en parler. Je vais juste dire rapidement, Bill Paxton vs Richard Gere, ben c'est Bill Paxton qui gagne. Je savais, c'est fuck ben, gear, quand même. 12 contre 3. 12 oh, oui. Ouais. Oh, yeah. Quand même, hein? Wow. Yes, sir. Ça s'appelle Sing Street. C'est vraiment drôle. Oui, c'est un film britannique qui se passe dans les années 80. Puis c'est un gars pour croiser une fille qui est en face de l'école, un gars de 15 ans. Croiser une fille, il décide de créer un groupe musical. C'est drôle, c'est tous les clichés des groupes des années 80, genre à la Duran Duran, se mettre juste un peu de cheveux blonds en avant, ou bien... Ouais, il faisait du New Wave, le gars, c'était un groupe de New Wave. Ah, on dirait qu'il changeait de style à tous les jours, juste puis après ça, c'est comme The Cult, il s'habillait comme le groupe The Cult, après ça, c'est vraiment drôle. C'est un film hommage à l'époque musicale des années 80. Ouais, quasiment. Ah, quasiment, cool, mais c'est vraiment, puis c'est drôle en plus, c'est bien fait, puis il y a l'humour britannique que tu retrouves pas aux États-Unis, là. Ah non, l'humour britannique est génial. Puis c'était vraiment bon, tous les petits clichés, puis ah, c'était vraiment bon, c'est excellent. J'ai vu ça hier sur Netflix, et voilà. Hey, 52 minutes, 53 minutes. OK, c'est ma chronique culturelle, Merde, la merde et le bijou. Avec le jeu en prime, la minute des merdes. Ah, merde. Fait que ce que je vais faire, moi j'ai pas de merde aujourd'hui, mais je vais parler d'un bijou. Mais pendant que je vais expliquer, puis crier, puis commenter mon bijou, ben pensez à chacun une merde que vous pourrez nous parler pendant une minute. Sur le film que tu as... Parlé. Vous, la dernière merde que vous avez vue. Oh. Si vous avez un film à critiquer. Ouais, moi, mon bijou, c'est The Lobster de Yorgos Lanthimos. Voici le résumé. Ah, j'ai failli le regarder hier. C'est écœurant. Dans un futur proche. Oui. Dans un futur proche, toute personne célibataire est arrêtée, transférée à l'hôtel et à 45 jours pour trouver l'âme sœur. Passé ce délai, elle sera transformée en l'animal de son choix. Pour échapper à ce destin, un homme, Colin Farrell, s'enfuit et rejoint dans les bois un groupe de résistants, les solitaires. J'ai été copier-coller une critique sur le site Allociné de TF1 News, voici ce qu'il disait. Dans ce film au romantisme noir, fascinant et inquiétant jusqu'à l'hypnose, Yorgos Lanthimos ravive... Puis en passant, le nom, peut-être que je le détruis, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Yorgos Lanthimos. Fuck les Russes! Ravive le surréalisme cher à Luis Buñuel en insistant comme lui sur la nécessité du casting de stars pour avoir les coudées franches tout en revendiquant un amour fou pour les eaux glacées du calcul égoïste. Je comprends rien, mais il a raison. Moi, ma critique, la voilà. Je fais tout le temps un top 10, un top 10 de films, puis le top 10 2010, le top 10 2017 est en branle. Le premier film ayant une place assurée n'est pas d'horreur. Quoique, parce que vous savez, j'écoute beaucoup de films d'horreur. J'en parle pas beaucoup parce que ça emmerde. Mais The Lobster, c'est un must pour la plupart des gens. C'est le summum de l'humeur noire, l'under the skin du film d'amour. Je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont vu le film Under the Skin avec Scarlett Johansson, mais c'est aussi un must. C'est un film très, très funky. Hein? Complètement à poil. On la voit toute nue, mais c'est loin d'être excitant. Pas parce qu'elle a un corps affreux, au contraire, mais la scène fait en sorte qu'il n'y a aucune... Mais non, quand ça regarde dans le miroir, là... En tout cas, moi, j'ai pas... Ben non. Alors, le film, voilà une métaphore malsaine, mais jouissive, où Colin Farrell est d'un terne flamboyant. C'est du rire jaune à la pelletée, la perplexité, de la froideur. Moi, je m'attendais à une comédie. Et, oui, on rit, mais c'est jaune, c'est cruel, c'est non, mais c'est malade. C'est vraiment un scénario malade. Le réalisateur, il avait déjà fait Dogtooth, que j'avais vu, que j'ai vu, mais je m'en rappelle plus pantoute. Ouais, la famille, le père qui empêche ses filles, ses enfants de sortir, chiens, mais je me rappelle plus qu'est-ce qu'ils font. Ils font rien, ils font de la musique, ils se baignent, ils jouent dans leur cours. OK. Ils jouent de la guitare. Ling, ling, ling, ling. Ben ouais, OK. C'est un film, le fun, mais par le côté plate de ce qu'ils font. OK. Ouais. Ben, le film, The Lobster, c'est pas plate, mais c'est froid, c'est lent. Le jeu est très, comme j'ai dit, Colin Farrell, on l'a jamais vu de même, là. Il est très terne, mais son jeu, c'est assez fort. Puis il y a plein de petites séquences, plein de petites scènes qui donnent des frissons. Puis, mais c'est pas pour tout le monde. Ça, je le dis tout de suite, c'est vraiment pas pour tout le monde. Et là, on va passer à vos merdes. Ouais, la dernière merde que j'ai vue, c'est un film de science-fiction qui s'appelle 400 Days, 400 jours. Oui, je l'ai vu. Oh my God, pourquoi t'as regardé ça? Parce que ça avait l'air film d'ado, potentiellement correct. Oh man. Non, mais quand j'ai lu la description, on n'avait aucune idée, nous autres, c'était quoi qu'on regardait, là. Ok, t'as une minute, moi. Go! Ben, j'explique-tu l'histoire? Ouais, un peu l'histoire. T'as une minute. C'est justement quatre astronautes qui font une simulation comme s'ils allaient sur la planète Mars. Pour ça, ils s'en vont dans un genre de chambre qui est placée en dessous de la Terre. Puis ce que je puis au bout de 400, ils réussissent à sortir avant 400 jours. Ils disent c'est une épreuve qui se passe à l'extérieur. Il se passe comme quelque chose. On a comme plus de réponse. Je m'en souviens plus trop le film. Je me suis comme endormi dessus. Puis finalement, quand ils sortent de là, il remarque que la Lune n'existe plus. Elle a comme sauté, explosé. Je sais plus ce qui est arrivé. Bref, ce que je trouve ridicule des fois, c'est qu'ils disent il y a personne qui sait qu'on est en dessous de la Terre là, puis ben c'est pas vrai, t'avais une grosse conférence de presse comme quoi faisiez une simulation comme si vous alliez sur la planète Mars avec des journalistes qui étaient là. Juste ça, quand il a fait cette déclaration là, on a dit à un moment donné, ah, ça n'a pas de bon sens. Prometheus. Ça fait combien de temps, là? 50 secondes. Ouais, comment Prometheus, ça ressemble à ça? Prometheus, c'est s'attarder. OK. Bon, ben bref, tout ça pour dire, on dirait, ça se transforme quasiment en film de zombie. Oui, il y a deux choses que je me rappelle. D'un, l'acteur principal, Brandon Routh, celui qui avait joué dans Superman Returns. Tu peux pas regarder ça, toi, 400? Il était nul à chier, je trouve. T'as regardé ça? Je comprends pourquoi qu'on le voit plus ben ben depuis Superman Returns. Puis, moi, j'ai pas eu de réponse. Pourquoi si c'est... Ah, pourquoi la Lune a sauté? Non, mais pourquoi eux autres ont été mis là? C'est une trilogie. C'est quoi l'extérieur? Le film, c'est une première partie. On a-tu des réponses? Ben, tu l'auras dans un film. Il y en aura pas. Comment c'est une trilogie? C'est vrai, ça? Ben, les romans, c'est une trilogie. Ah, c'est tiré d'un roman, ça? Oui, on ne savait pas. Les 400. Les 400? Ouais. Tu parles pas des 100, toi? La télésérie? Ouais. Non, je parle des films. OK, c'est une télésérie qui s'appelle Les 100. Ouais. Mais nous autres, c'est 400 jours. 400 jours. OK, ça va. On ne peut pas entendre la même chose, finalement. Non. T'as pas écouté ce que j'ai dit, hein. Non. Mais c'était quoi ta question sur. Non, mais il n'y a pas de réponse parce qu'à un moment donné, ils sortent, eux autres, puis là, ils ont été mis là par qui? C'était pas un complot? C'était pas. Puis là, après, ils rencontrent. Ils sont pas dans un bar, puis il y a du monde. Du monde assez bizarre. Comme la Lune a sauté, il y a comme la poussière de Lune qui est tombée sur Terre, puis je pense. C'est extrêmement difficile d'avoir de la nourriture, extrêmement difficile d'avoir des trucs qui poussent. Donc, quand le monde du bord les voit rentrer, on dirait c'est comme s'ils se disaient oups, voilà de la nourriture potentielle pour nous autres. Puis ça ressemble, c'est assez weird. Ça ressemble un petit peu à ça, mais on n'a pas vraiment de réponse. T'as raison là-dessus. Bien sûr, ouais. Puis, c'est pourquoi ils ont été en dessous de la Terre. Moi, j'ai appris comme pour acquis que c'était une simulation comme pour aller sur la planète Mars. Puis c'était de l'entraînement, rester 400 jours enfermé, toujours au même endroit, parce que c'est le nombre de temps que ça va prendre pour aller sur Mars. Là. Puis, c'est comment le monde réagit, ouais. En parlant de nombre de temps, t'as déposé ta minute depuis longtemps. C'était le jeu. Alors, le jeu de la merde, la minute de la merde, Marc Jodoin. Go! La dernière merde que j'ai vue en parlant de nourriture potentielle était onctueuse, odorante. Elle avait une couleur rouille. Il y avait... c'était légèrement solide, mélangé avec un peu de mou. Attrapé dans son jus. Ça fout, là! Je suis en train de décrire la dernière merde que j'ai vue. OK. OK, la minute est arrêtée. Ben, il a participé au jeu. Merci. Ben, OK. Fait que sur ça, avant de vous laisser à ce monde pourri, Marc Le Trémois va googler une bonne nouvelle dans l'actualité. Puis, il va prendre un petit 4-5 secondes. OK, la bonne nouvelle. Voilà. Nintendo Switch, bonne nouvelle, la manette Pro est reconnue nativement sur PC. Tu parles de Nintendo? Ouais, j'ai rien compris de cette bonne nouvelle-là. Moi, je pense, là, c'est peut-être parce que les premiers acheteurs de la Switch pourront également se procurer le Pro Controller, une manette plutôt bien conçue qui pourra aussi vous servir sur PC. C'est peut-être ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, n'importe quelle manette que tu peux brancher sur PC avec une femme qui a des grosses boules, n'importe quelle. C'est le Switch. J'ai une idée, c'est quoi? Ben, c'est sur Nintendo, toi, t'as dit. Nintendo. En tout cas. Ah, ça, ok. Ouais. Ben, ok, ciao, les amis! Puis n'oubliez pas, paix et harmonie! Paix et harmonie? Je pensais que tu parlais d'harmonie à un job, là.